Il me déplaît de voir cette fleur à votre boutonnière. Retirez-la. Mais pardon, monsieur, mais je n'ai pas l'habitude. Vous tenez fou, voyons. Parfaitement, je tiens tout. Si dans 2 secondes, vous n'avez pas enlevé cette fleur, je vous tire les oreilles. Mais monsieur, vous saurez. Qu'est-ce que vous dites? Je saurai. Vous osez dire je saurai? Entendez-vous ça, je saurai. Mais monsieur, je saurai. Monsieur Saint-Franck, vous retirez la fleur. Mais écoutez. Vous ne voulez pas la retirer. À votre aise. Ah, vous me giflez. J'allais l'ôter. Oh, mais vous êtes, vous vous perdez là, de quel droit vous permettez? Oh, mais pardon, madame, je suis le seul juge de mes actes. Ah, eh bien, mes amis, ça va toujours la salle cordon. Tu arrives, monsieur. Oui, figurez-vous. Ah oui, mais pardon, laissez-moi m'expliquer. Non, permettez, monsieur et mon mari, veuillez me laisser parler. Mais qu'est-ce qui vient encore? Oh, figurez-vous, je ne lui disais rien. Taisez-vous, des sauges. Ah, bah, tu es mon mari, c'est à toi de me faire respecter. Oui, quelqu'un s'est permis de te manquer de respect. C'est ma fleur, mon œillet. Dinde. Comment? C'est un œillet d'Inde. Bah d'Inde, oui. Eh bien, monsieur Dessonger, t'avais trouvé bon de le mettre à ta boutonnière. Oui. Mais enfin, mais pourquoi? Pourquoi avez-vous mis cet œillet à votre boutonnière? Moi? Oui. C'est pas de lui qu'il s'agit, là, tout d'entre eux, qu'il se garçon. Pardon. Il n'y a pas de mal. Non, mais alors, qui monsieur, qui s'est permis de faire une fée inqualifiable, qui vient de gifler ce pauvre monsieur Dessonger. Mais parfaitement. Mais oui, mais je ne comprends pas, je ne lui disais rien. J'arrivais, la bouche enfarinée. Non, vous en prie, laissez-nous tranquille, Dessonger, ne vous emmêlez pas. Mais qu'est-ce que tu en penses? Mais qu'est-ce que tu veux, c'est embêtant pour Dessonger. Tout ça, comment? il s'agit de toi. Mais de nous. Alors, nous. Tu trouves naturel que monsieur me compromette, m'affiche, en faisant un scandale pour cette fleur. D'ailleurs, il me l'avait demandé. Pardon. Si, monsieur, pardon. Si, vous me l'aviez demandé. C'est parce que je voulais refuser. Oui, mais quand je pourrais parler. Oui, alors, à propos de rien, sans raison, pas, j'ai reçu une gifle. Fichez-nous la paix des sujets, on attend que vous. Alors, tu admets ça, toi? Tu admets ça? Pas du tout. Saint-Franquet. Ma femme a raison. M'expliquerez-vous? Bon, c'est très bien. Si vous trouvez bon que ce petit monsieur placarde à sa boutonnière la fleur qu'on a vu porter à madame votre femme. Mais absolument! Si vous admettez que ce gigolo se rende ridicule. Ridicule, monsieur, par hasard. Vous voudriez insinuer que madame Plantaret. Oui, non, mais. Alors, quoi vous mêlez-vous? Oh, écoutez, voilà, assez, moi, si vous le parlez sur ce truc. Je le pense en tant qu'il me plaît. Mais c'est pas moi, vous. Finissons-en. Oui. Demain, monsieur, vous recevrez mes témoins. Oui, c'est bien, monsieur. Je suis à vous, ça. Ah, mon ami, non, mon ami, tu ne vas pas. Mais c'est bien, ça suffit. À demain, Saint-Franquet. À demain, monsieur. Dans ta règle. Venez, vous autres, venez. Oh, mon Dieu, que c'est embêtant. Vous aviez besoin de mettre cette fleur à votre boutonnière. Mais c'est vrai aussi, quel besoin aviez-vous? Je ne sais pas, moi, monsieur, il était tombé par terre, alors, pour ne pas qu'on marche dessus, moi, j'aime pas voir souffrir les fleurs. Ah, vous êtes malin, oui. Vous êtes malin. Ah, oui, ça, vous êtes malin. Ça, c'est vrai, ça, on suis malin. Ah, mon Dieu, c'est embêtant. Écoutez, Saint-Franquet, maintenant que nous sommes seuls. Oh, vous, écoutez-vous, des chaussettes, prenez-moi la feu, je vous casse la figure. Oui, monsieur. Et demain, des chaussettes, mettez-moi. Oui, bah, tout ce que vous voudrez, monsieur, tout ce que vous voudrez. Mais nom de Dieu. Un bon coup d'épée à celui-là. Oh, qu'est-ce qu'il y a eu? Une dispute? Oui, en toi, bichon, va-t'en au diable. Oh, bah dis donc. Mais ou plutôt non, viens, je t'adore. Ah, la bonne heure, tu es une vraie femme, toi, tu es honnête, tu fais l'amour, mais tu ne le fais pas à la vertu, tu es honnête. Non, mais il est fou. Non, je t'adore, je te dis, je t'adore. Allons, voyons. Ça te fait rien, tu es honnête. Tu es honnête avec Jean. Oh, qu'il pleut. Look at him. Je t'adore. Oui, mais écoute, il pleut trop, alors tu me le diras là-haut. Mais certainement, je t'adore. Tu n'es pas trop mouillé, mon mignon. Non, ma chérie, non, ta jupe l'abrite très bien. Programme de la soirée. en alvadou. Sicou, sicou, ça va, y'a l'minette. Aïe, y'a bougie, l'aine, al trou, trou. Gigouli, pompon, aval, trompette. Mort à vie, dodo. Atali, popo. Sarine de la boussie, limba, ben. Oh, je vous salue, mirabouir, qu'elle aime. Oh, oh, oh, oh. Aïe, bot, bot, bot, bot, bot, bot, bot. Troumali, troumala. Aïe, akoulami, aïe, akoulami. Kiki, kiki, kiki, kiki, kiki. Aïe, bot, bot, bot, bot, bot, bot, bot. Troumali, troumala. Cacali, cacala. Zig, zig, zig, zig, zig. Voilà, ça y est. Alors un bon temps après le deuxième, aha, hein, que je place mon petit caisson. Puis grouillez-vous pour le moyabot, hein, c'est compris. Oui. Bon, encore une fois, que ce soit bien arrêté. Là, du couplet. En ammonique, en albatou, ticou, ticou, ça va, y'a le minette, aïe, aboujilé, oh non, non, parce que peut-être Barbante avec sa chanson. Barbante. Oh oui, Barbante, c'est vrai, ça va durer longtemps, cette serinade. Mais c'est pas une serinade, c'est une chansonnette. C'est pas d'une serinade, c'est d'une serinade. Ah, c'est pas plus poli. Alors, d'abord, elle est idiote, la chanson. Je regrette, c'est sans doute mon cher que tu ne la comprends pas. Oh, ça c'est admirable, tu la comprends, toi? En tout cas, je la fais comprendre. Ah bon? C'est une chanson à grâche, alors ça peut pas être du français. Oui, mais comment elle est en France et pas en agrachie? Je te demande un peu ce que ça signifie. Elle y a Koumali. Qui, qui. Oh, Koulami d'abord. Oui, oh, Koulami, si tu veux, je ne sais pas la langue. Qui, cacali, cacala. Oh, évidemment, dit comme ça. Oh, y'a Koulami, qui, ça dit rien. Mais si tu y mets un peu d'attention, un peu d'art. Ouais. Ah, y'a Koulami, qui, trunali, trumala, cacali, cacala. Et ben comme ça, ça change. Ah oui, ah oui, oui, ça change. Oh, mais c'est précisément le fait des artistes, tu comprends? De faire saisir au public les choses qui n'y sont pas. Oui, en fait, tu trouves pas ça idiot, toi, les choses? Oh, si, si. Ah, bah dites donc, si, si, vous-même, je demande pas votre avis à vous. C'est Gérard qui me le demande. Mais naturellement, ça m'aurait étonné que vous soyez pas de l'avis de Gérard. Si vous a planté un coup d'épée, vous lui laissez les pieds. Et moi? Mais évidemment, vous avez peur. Oh, oh, oh, oh, j'ai peur. Oh, oh, oh, vous m'embêtez avec ma chanson, hein? Si vous trouvez ça malin de décourager une artiste au moment d'une création. Une création. Oui, d'abord, qu'est-ce que tu fais là, toi, d'ici 1h15? Tu veux pas arriver à la répétition générale du français quand ce sera fini? Complètement habillé. Parce que je ne trouve rien de ce qu'il faut avec ton ordre habituel. Ah, tu trouves rien de ce qu'il faut? Évidemment, tu t'es si bien arrangé qu'il n'y a plus de domestique à la maison. Mais c'est ma faute, Victor m'a demandé à sortir et Marie est sortie sans me demander. Oh, c'est admirable. Pourquoi Marie était sortie sans te demander? Parce que c'était son jour de congé. Mais Victor, alors pourquoi t'es-tu demandé à sortir? Parce que c'était pas son jour de congé. C'est ça, il y en a un qui sort parce que c'est son jour de congé et l'autre qui s'en va parce que ça n'est pas son jour de congé. C'est charmant. Et moi, alors débrouille-toi, tu dis que je ne trouve rien. Oh non, c'est éternel gringe. Alors quoi? Qu'est-ce que tu ne trouves pas? Je ne trouve pas la brosse à la vie. Tu trouves pas la brosse à la vie? Tu trouves pas la brosse à la vie? Ça, elle est dans le pot à eau. Oh, dans le pot à eau. Eh ben oui, elle m'est tombée les mains dans le pot à eau. Et comme j'ai parti, il est pas mal qu'il y ait encore. Ah non, ça va. Et si t'avais regardé. Oui, tu veux que je regarde dans le pot à eau pour chercher une brosse à habits? Pas naturellement, c'est ce qu'il y a. Je demande un peu. Faire m'attirer ma brosse, non? Tu voulais pas que sur ma digestion, j'aille me tremper le bras jusqu'au coude. C'est pas pour une brosse. Oui, et moi, pendant ce temps-là, je me suis lavé les dents avec l'eau de ma brosse. Eh ben quoi, voilà tout. Est-ce que tu t'en es aperçu? Est-ce que tu t'en portes plus mal? Non. Et moi, alors, qu'est-ce que ça te fait? Oui, mais ça me dégoûte. Oh, admirable, ça. C'est comme ces gens qui vous emmènent vous débarbouiller dans leur cabinet de toilette et qui au moment de vous essuyer le visage vous disent « Ah, vous n'auriez pas dû prendre cette serviette-là, c'est pas la serviette à figure. Oh, » On ne s'aborde pas plus mal, mais n'empêche que c'est dégoûtant. Mais oh mon Dieu, c'est compliqué. Mais enfin, quoi est-ce que je vais me brosser, moi, maintenant, avec la brosse qui tremble? Eh bien, comme la tout, prends la mienne, en pleine affaire. Et où est-elle, la tienne? Mais dans mon sac de voyage, vous êtes au courant. Que je sais, moi, peut-être dans le bain de pied. Dans le bain de pied. C'est spirituel, ça. Puis vous feriez mieux les saugettes de vous taire, au lieu de prendre tout le temps de partie de Gérard. Alors, j'étais de ton avis. Bah, raison de plus pour vous ranger du mien. Bon, non, écoutez, puisque ça embête Gérard. Oh, Gérard, toujours Gérard, je m'en fiche, moi, que ça embête Gérard. C'est pas lui qui reste en plan au concert, si je sais pas. Moi, j'ai ma conscience professionnelle. Oui, allez, oui. Mon petit, allez, travaillons. Oui, enfin. C'est vrai, ça, toujours Gérard. Est-ce qu'il y connaît quelque chose, Gérard? J'en ai assez, moi, vous comprenez? Si chaque fois que je. En ammonique, en alvadou, sicou, sicou, ça va, y'a le minette, aïe, y'a bougie, l'aine, trou, trou, gigouli, pampan, aval, tempête, mort à vie, dodo, atali, popo, farine de la boussie, limba, ben, tranche à vous saluer, mirabir, calem, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, troumali, troumala, ayakoulami, ayakoulami, ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki. Moya bon, troumali, troumala, kakali, kakala, zik-zik-zik-zik-zik. Idiot. Ah, ça saurait, ça s'en fout. Eh ben, tu la sauras, en plein, beau malheur. Cette façon d'entrer toujours comme un polype.

Il faut bien savoir que si on s'est mis ensemble, ça n'a pas été précisément pour le grand amour. Ouais. Moi, c'est parce que j'avais vu une petite américaine qui avait le coup de coude pour toi. Pour petite. Toi, c'est par dépit. C'est parce que ta femme Marianne t'avait envoyé promener et qu'elle préférait coucher avec des saugettes. Quoi? Ah, mais permettez. Oui, puis, d'abord, tu mens. Jamais des saugettes, n'a ce que tu dis avec elle. Ah, ça, mais jamais. Non, ah. oui. Non. Alors, pourquoi lui as-tu donné un coup d'épée? Ben, comme ça, parce que je le connaissais pas. Ah, c'était pour entrer en relation. En tout cas, jamais, au grand jamais. Oui. Oh. Mais tu n'as pas besoin de te défendre. Oh. Je connais assez la personne en question. Tu es une honnête femme. Ah oui. Non, mais absolument. Tu es une femme de goût. Mais absolument. Ah, dis donc, toi. Tu ne te prends pas du premier venu. Mais dis donc. Oh, puis voilà ce que tu attires à une honnête femme, toi, avec l'attitude que tu as prise avec elle. Oh non. Écoutez, lancez la discussion, on va prendre cette tournure. Moi, je vais m'y aller. Ah, mais maintenant, on décide de demander respect. Oui, bien, quand vous aurez fini, vous m'appellerez. Mais je demande de voir mauvais caractère. Oh là là. Mais tu as raison. Tu es bien bête. Tu es bien bête. Ah, ça oui, a-t-on jamais vu? Oh, il y a longtemps que je dis que quand t'as la mise juste dans un ménage... Ah oui, mais... Oh, mais... Gérard. Oui, quoi? Donne-moi la main. Oh, quoi? Si! Comme là, à nous dire des choses inutiles, blessantes, c'est stupide. Oh, oui. Donne-moi la main. Et quittons-nous. Quittons-nous, mais chiquement, en bons amis. Comme deux êtres qui t'aiment bien, qui t'estiment, et qui peuvent pas se mentir. T'as raison, ça vaut mieux. Et d'ailleurs, tu sais, il n'est pas des scrupules, hein? Tu prends en peine. C'est quelqu'un... Quoi? Oui, le fauteuil 49. Qu'est-ce que tu veux dire, fauteuil 49? Un abonné du mercredi et du samedi à notre confrère. Il ne manque pas une fois. Et il m'envoie des fleurs et des lettres brunes. Ah, mais c'est bon. Tu t'es bien gardé de me dire ça, toi, hein? Bah, quoi bon, toi qu'on était ensemble. Un amant, c'est comme un mari, il y a des choses qu'on lui dit pas. Ayez donc conscience. Oh, mais j'ai pas trahi la tienne. Mmh. On a le sentiment de ce qu'on doit. Pas que j'en ai donné la preuve encore l'autre jour. Quand le fauteuil 49 m'a envoyé cette admirable boucle d'oreille. Quoi? Solitaire, énorme, avec ce mot qui l'accompagnait. Si vous voulez avoir la paire, faites merci, je vous la porte. C'est culot. Possible, mais tu avoueras que c'était tentant. Et j'ai rien voulu savoir. J'ai fait dire qu'il n'y avait pas de réponse. Et de façon solitaire. Tu l'as renvoyé? Non, mais j'ai fait monter en bail. Oh. Voilà ce que j'ai fait pour toi. C'est trop beau. Voilà comme je suis, moi. Mais oui, et bien plus de sacrifice maintenant, tu es libre de retrouver le fauteuil 49. Va, va, va. Oui, mais c'est pas difficile, mon petit. Mon téléphone, mais je... Mais va donc, mais oui, mais te jette d'abord pour moi. Non, et puis ça sera pas long. Tu téléphones d'ici au fauteuil 49? Mais j'ai pas besoin de lui dire d'où je lui téléphone. Allô? Mademoiselle? Vous me donnez le 606-22 les deux coqs. Oui. Et 606 avant. La charrue avant les deux. Oh, c'est toi donc, papa. C'est le 606-22 qui est à l'appareil. Le 606-22 lui-même. Alors, c'est le fauteuil 49. C'est mademoiselle Gauville qui vous parle. Oh, qu'il faut entendre. Oui, ne vous trouvez pas. Et venez tout de suite, je vous attends, c'est là. 27 jours, ça a sonneré. Quoi? Vous venez, bon! Oh non mais ça, tu es folle, alors tu fais venir chez moi maintenant. Et c'est passé chez toi. Mais ça m'est égal, tu te fiches de moi. N'accepte pas de jouer un rôle ridicule. Mais voyons puisqu'on se quitte. J'ai entendu, on se quitte. Mais que mon remplaçant vienne faire son collage dans mes meubles. Ah non. Non. Mais qu'est-ce que t'as fait? Oui, le 606-22. Gérard, voyons. Oui, laisse-moi. Oui, le 606-22. 606 et 22. Oh non, c'est ridicule que tu fais là, Gérard. Ça m'est égal, allez. Allô, c'est le 606-22. Quoi? Ah, c'est ta femme. Mais tu laisses ça. Fous-moi la paix. Non, c'est pas à vous que je parle. Ah, vous êtes sa femme. Eh bien, vous direz à votre mari que c'est un polisson. Oh. Oui, et que l'amant de mademoiselle de Jouy lui envoie son pied quelque part. Je vous présente mes hommages, madame. Veux-tu laisser ça? Voilà. Et puis toi, tu vas me faire le plaisir de filer droit et que je ne t'entende plus. Non, mais hein? Tu lèves la main sur moi. C'est pas vrai. C'est ton mais tu as fini de crier. Oh, ça va. Non, mais dis donc, Gérard, qu'un. Gérard, est-ce que j'ai l'air d'un homme qui va les femmes? Alors, Gérard. Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui va les femmes? Mais Gérard, mais quand on a fini de l'homme, ça me fait sur les bras. Alors, non. Je comprends ça, madame, je permets de téléphoner d'ici, je ne sais quoi, un fauteuil 49, pour lui donner rendez-vous chez moi, et ça pour lui accorder ses faveurs. Ah, je te bats. Non, c'est pas voyons, voilà. Ah, tu prends la paix, toi. Mais tiens, va ouvrir, la petite madame, elle est congée au larbin. Oui, mais là-bas plus, hein. J'en donnerais, moi, des fauteuils 49. Tu me perds ça, tu sais, tu me perds ça. Oui, bon, j'ai entendu. Cochon, va. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des fleurs. Oui, c'est ça. Fauteuil 49. Attends un peu, je te dis par la femme. Mais non, voyons, c'est pour toi. Là, voilà, comme il en est dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour moi? Qu'est-ce qui peut m'envoyer des corbeilles de mariée? Je ne sais pas, le commis m'a dit, c'est pour monsieur Saint-Franquet. Il n'a pas dit de la part de qui? Il n'y a pas de cas? Non, il y a l'étiquette du fleuriste, vaillant roseau. Ça, par exemple, c'est bien, je m'en fous, allez, pour tout à l'heure. Oh, elles sont jolies, c'est clair. Oui, maintenant que c'est pour toi, tu ne les aimes plus par la tête, hein? Allons, voyons, dis donc. Dis donc, si tu partais pour ton théâtre français, hein? C'est pas, ton théâtre français. Ah, mais. Ah. Je reste ici, j'attends le... Le bottier? Au seuil 49. La photo 49? Non, qui est monté quelque part quand il arrivera. Ah, bon, vas-y donc, toi. Alors que tu m'as vu le bolossement du bain mûr. Quoi? Tu crois assez naïve pour l'avoir téléphoné devant toi, de t'amener ici. Alors que je ne fais pas vivre. Allô, allô, allô. Quand tu t'avais regardé, je flammais appuyé sur le crochet et je parlais dans le vide. Histoire de faire rager, pour te donner une leçon. Oh, tu me racontes ça maintenant. Mais après, c'est que quand tu as demandé le numéro, tu l'avais censément demandé avec qui as-tu été en communication? Avec une dame. Malheureuse même, parce que tu vas tout à l'envers et que t'as sorti stupide. Comme t'es chic, t'as pu t'être brisé le bonheur d'un ménage. Oh. Eh ben. Mais bah, tu as raison, je vais lui téléphoner. Ah non! Tu vois bien que tu me comptes des blagues. Bon, ça colle des blagues. Je veux dire que tu viens me faire quoi? C'est bien, reste, tu verras bien. Ça me sent capable d'un tel cynisme. Mais reste, dis, tu pratiques. Moi, tu m'embêtes! Resterai si je veux, c'est grave ça. Il faudrait peut-être que je manque ma réquisition générale pour faire plaisir à madame. Eh ben alors va-t'en. Et parfaitement, je m'en vais. Oh, tout souvent, je resterai ici pour te donner la joie de te payer ma tête. Tu crois que j'ai gobé un instant ton histoire de téléphone? Tu vas quand même faire marcher, mais c'est moi qui l'ai fait marcher. Ah bon? Ah, mais on ne le fait pas à moi. Quand t'as quoi des sujets, tu n'as rien à faire, tu vas avoir la complaisance de passer chez le fleuriste pour savoir qui m'a envoyé ses fleurs tout à l'heure. Entendu. Ah, ça t'intrigue. Non, madame, non, mais j'aime savoir. Je ne veux pas qu'on me prenne pour une cocotte. Adieu. Eh bien, mon petit vaisseau jette, maintenant, vous allez faire le plaisir de vider le plancher, hein. Comment? J'attends quelqu'un, j'ai pas besoin de vous. Vous attendez quelqu'un? Oui. Mais qui? Je vous dis quelqu'un que vous n'avez pas à connaître, entendu qu'il vient pour moi, et pas pour vous. Oh mon Dieu, la photo 49. Comme vous êtes fort. Oh, bichon. Oh, c'est pas possible. Vous venez de dire vous-même que c'était pas vrai, que vous aviez fait semblant de téléphoner. Bien, parbleu. Oh, mais pourquoi alors avez-vous dit à Gérard? Mais pour qu'il s'en aille. Oh, bichon, ça je n'en crois rien. Oh non, ça vous n'auriez pas, là devant lui. Eh bien, je fais toujours les choses devant les gens, moi. J'aime pas les cachotteries. Oh. C'est le meilleur moyen pour qu'il n'y croit pas. Oh, vous êtes cynique. Ah, en attendant le voici. Non, ça j'ai mis m'en aller. Mais non, remarquez, mon ami, que c'est tout ce que je vous demande. Hein. Ah. Alors, mais attendez, je vais aller ouvrir. Oui. Alors, pendant ce temps-là, vous allez sortir par là, en faisant le tour, hein, c'est compris? Oh non, ça devant moi, me faire le complice. Oh, oh, oh. Entrez, non, monsieur. Ma petite de juif. Quand je pense que c'est cette petite femme-là que deux fois par semaine j'applaudis de mon fauteuil et que maintenant je suis là devant elle, elle est là devant moi. Tu dis là, dis-le. Oui, mais sans rang, pas rien. Ma main touche la sienne. Quand vous m'avez téléphoné tout à l'heure, j'ai cru tomber de joie. Ma femme arrivait, j'ai lâché ma femme. Ah, vous êtes mariée? Je suis mariée, oui. Oh, ne vous excuse pas de ça. Je n'ai pas été long. J'ai pris mon chapeau, j'ai sauté dans une auto. Et me voilà. Oh, ma petite de jouer. L'ami, mon ami! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Rien! Mais qu'est-ce que tu parles comme ça? C'est un camarade de mon concert avec qui j'étais en train de répéter les paroles. Alors il repart sa scène! Attendez. Mais partez! C'est pour ça! C'est pas de ramen? Il me semble avoir reconnu sa voix. Non, c'est pas de ramen. En tout cas, il me fait du bon juste. Une conviction. Oui, c'est un garçon qui va bien. Ah, voilà qui vient de s'en aller. Nous sommes dans le sol. Oh, je suis heureux. Curieux, c'est une chose qu'on connaît. Hein? La première fois que je vous ai remarqué, alors qu'est-ce que j'ai dit, je connais ça. Sûrement, j'arrive à peut-être dans les journaux. Non, c'était probable. Quoi? Parce qu'on n'y a jamais mis. C'est drôle, on met tout le monde aujourd'hui dans les journaux. Pourtant, j'ai votre tête dans l'œil, ça. C'est sûr que vous avez un nom. Oh, non. Enfin, quoi, vous vous appelez pas seulement sur feuille 49? Non. Antoine. Oh, c'est gentil. Et toi? Ça ne finit pas pour aujourd'hui? Ah non, moi je veux savoir à qui je parle. Il faut qu'on m'ait été présenté avant. Allons, votre nom. Eh ben... Voltaire, là. Ah, vous voyez bien que vous êtes quelqu'un de connu. C'est drôle. Moi aussi, j'ai la sensation que ce n'est pas la première fois que je vous vois. Ah oui. Ah bah, en tout cas, on n'a jamais été rien à l'un à l'autre, hein. Non, parce que j'ai acheté la même appétit. Non, pas. Non. Attendez. Vous n'avez pas une sœur qui vous ressemble en satin et qui est dans la... pas dans le théâtre. Pas dans le théâtre. Bah, il y a eu quoi avant que j'y sois? Ah, vous ressemblez à une petite femme qu'on appelait Bichon. Bichon, mais je la suis. Vous l'êtes? Vous l'êtes? En plein. Bichon, c'est Bichon. Oh, c'est donc ça que vous lui ressemblez. Eh ben, il y a des chances. Oh, ben, si je m'attendais, hein. Ça m'en est pas le théâtre, hein. Ça change tellement une femme. Ça blondit. Vous ne vous souvenez pas? Châtel-Sancy. Châtel-Sancy. Ah oui, Plantarède. Monsieur Plantarède. Non, le monsieur de la dame qui... Qui quoi? J'ai rien. Oh ben, vous en avez opéré un changement de tête. Vous aviez des favoris. Et puis vous avez une coiffure comme ça, là. Alors maintenant, à la bonne heure, vous avez une tête. Oh, ça, c'est rigolo, alors. Oh, savez-vous de qui vous avez la tête? C'est bon, c'est ma femme qui a absolument voulu que je mange comme ça. De Gérard de Saint-Franquet. Vous le connaissez? Bah, c'est mon amant. Hein? Vous êtes chez lui? Je suis chez lui. Mais il prend vu que vous étiez chez un peintre. Oh non, mais un chien, mais c'est vrai. Oh mes enfants, oh là là, oh là là, oh là là. Ça veut pas vous la sortir. Mais ne bougez donc pas, il était la répétition générale du français. Hein? Mais tout le temps. Ah, comment la générale du français? Mais c'est demain. Hein? Mais absolument. Mais j'y vais, ça a été retardé. Ferraudi est en présentation à Nantes. Oh, bah, par exemple. Mais alors Gérard? Eh ben Gérard. Oh, oh, oh, oh, oh là là, oh là là. Là là, la porte au fond, tournez à droite. Et puis la porte à droite. Oui, la porte à droite. C'est toi? C'est demain. Ah! Attends, la porte à droite. À gauche. Non, à quoi? Quoi à droite, quoi à gauche? Oh! Qu'est-ce que vous demandez, monsieur? Vous n'auriez pas un tableau avant? Non. Oh, mais... Plantarède? Non! Comment non? Si. Non, c'est pas possible, Plantarède ici, c'est Plantarède. Oh, ce brave ami. Et ça va bien? Pas mal, merci. Ça sent mieux que je craignais. Ah, ça, par exemple, ça, c'est ça qui est gentil d'être venu. Oh, vous êtes trop bête, notre brouille, hein, de vieux amis. Et pourquoi? Oui. Oh, ce cher Plantarède. Madame va bien? Madame, oui. Oui, elle va bien. Ah, oh, je suis content. Mais ça, j'en prends quand mes yeux, ouais, Plantarède. C'est Plantarède. Oui. Bichon, c'est Plantarède. Mais tu parles ici souvent. Mais. Ah, mais je ne vous ai pas présenté. Mon bon ami Plantarède, ma bonne amie Madame de Jouy. Ah oui. Mais je suis idiot, moi, sa présence ici, mon absence à gauche, non à droite, plus des talents et le s'affolant. Oh! Quoi? On fait 49. Oh là là! De quoi? Ah, c'est vous le fauteuil 49. Votre derrière. Attention à votre derrière. Hein? Mais attention, voyons, il a dit qu'il le botterait. Hein? Non, mais n'ayez pas un seul appétit quand le derrière était anonyme. Mais maintenant que je sais à qui il a l'honneur d'appartenir, il m'est sacré le derrière d'un vieil homme comme vous. Oh, le bonheur. Mais comment je suis trop heureux qu'un concours de circonstances qui me vaut la peine de vous rencontrer chez moi. Mais la peine est partagée, croyez-le bien. Mon cher Plantarède. Ce cher Saint-Franquet. Oh, non, mais je vous en prie, embrassez-vous. Avec toi, c'est sûr. À moi qui avais le trac du choc. Alors comme ça, mon bon Plantarède, vous venez ici dans l'intention de me faire copier. Non, je ne vous défendais pas. Oui, on s'est toute la vie, ça, aujourd'hui, vous, demain, moi. Oh. Il y aura des hommes et des femmes. Oui, mais vous croyez bien que si je suis ici, c'est que j'ignorais que vous me trouveriez. Oui. c'était vous qui... je ne savais pas qu'il y eut un amant. Eh bien non, mon ami, réjouissez-vous, il n'y en a plus d'amant. Plantarède, vous allez pouvoir chercher la seconde boucle d'oreille. La seconde... Quelle seconde boucle d'oreille? Et celle qui complète la paire. Il n'a pas de mémoire comme là. Bichon, fais voir à monsieur la boucle d'oreille à ton doigt. Vous la reconnaissez bien, voyons. Celle, si vous voulez avoir la paire, c'est un signe d'accord. Oui. Vous avez raconté ça, Gérard, ça avait fait rire. Du bout des lèvres. Eh bien, voilà mon bon. Vous tombez à pic, la place est libre. Je suis trop heureux de vous la céder. À moi. Ah, tout de même. Trop heureux? Oui, trop heureux. Je ne suis pas un égoïste. Moi, on se quitte. Je ne peux pas avoir la prétention que ma Bichon n'aura plus jamais personne. Ça serait contraire à cette définition. Où es-tu ça? Allez, Plantarède, avec une parole. Bichon est vacante. Je vous la donne. Oh, non, ça prend. Oh, non, mais tu m'embêtes à la fin. Je vous la donne, Si tu veux me donner, tu vas bien le faire sans toi, si mais, tu veux me donner. Non, mais c'est vrai, ça, attends, on dirait que c'est toi qui me plaques. Non. Oui, ben, je te prie de le dire à monsieur, je ne suis pas une femme qu'on plaque. Mais moi qui plaque. Ma parole, t'as l'air de me coller là. Allez-y, prenez donc, les cochons n'en voulaient plus. Oh, mais toi, non, mais j'ai l'air de quoi, moi, d'en laisser pour compte, d'un seul.